Bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 19 ans. Donc je viens pour la première fois au carnaval de Dunkerque. Je suis très contente, c'est un monde à part, mais vraiment génial. Bonne soirée, monsieur, bon courage. La fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux. On s'en fout, on a bonne mine, on est des carnavaleux. C'est pas pour les meurs de Dieu, tiens voilà la quille, c'est pour les anciens. Tiens, voilà la quille, c'est pas pour les meurs de Dieu. Tiens, voilà la quille, c'est pour les anciens. Hey, la fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux. On s'en fout, on a bonne mine, on est des carnavaleux. Tiens, voilà la quille, c'est pas pour les meurs de Dieu. Tiens, voilà la quille, c'est pour les anciens. La fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux. On s'en fout, on abonne.